je me suis réfugié dans cette île avec quelques livres et l'enfant de Mélissa pour tenter de guérir. Ici, sur cette table en bois, devant la mer, à l'ombre d'un olivier. La nuit, lorsque le vent hurle, j'allume une lampe et je vais et viens en songeant à mes amis, à Justine et à Nessim, à Mélissa et à Balthazar, à Leila et à Mantolive. Ainsi, la saveur de ces pages devra-t-elle quelque chose à leur modèle vivant, un peu de leur souffle, de leur peau, de l'inflexion de leur voix. Ces phrases ont été écrites en Grèce, quelques mois après le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce dont Darley, jeune professeur de lettres irlandais, tentait de guérir grâce à l'écriture, c'était de l'emprise fatale qu'avait exercée sur lui une femme. Et plus encore, la ville où il venait de passer les mois les plus déterminants de sa vie. Le Quatuor d'Alexandrie, de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux, adapté par Eglal Herrera. Premier épisode. Pas à pas sur le chemin du souvenir, je reviens vers la ville où nos vies se sont mêlées et défaites. La ville qui se servit de nous, la ville dont nous étions la flore, qui jeta en nous les conflits qui étaient les siens et pensions être les nôtres. Bien-aimée Alexandrie, qui est-elle cette ville que nous avions élue? Dans un éclair, je revois un millier de rues où tourbillonne la poussière, 5 races, 5 langues, 12 de religions, 5 flottes croisant devant les eaux grasses de son port. Mais il y a plus de 5 sexes, et la Provence sexuelle qui est ici à portée de la main déconcerte par sa variété et sa profusion. Je me rappelle Nessim, disant un jour qu'Alexandrie était le grand pressoir de l'amour. Ceux qui en réchappaient étaient les malades, les solitaires, les prophètes, tous ceux enfin qui ont été profondément blessés dans leur sexe. Tout commença 20 ans avant mon arrivée en Égypte, dans une vieille maison dressée au milieu de lacs et de digues, non loin d'Alexandrie. David Mantolive, un tout jeune attaché d'ambassade britannique, débarquait, muni d'une lettre d'introduction auprès des Rosnani, riches féodaux coptes. Faltus, le patriarche qui se mourait d'une lente atrophie musculaire, et sa femme Leila, beaucoup plus jeune que lui, l'hirondelle noire comme l'avait nommée la bonne société alexandrine pour sa grande et sombre beauté. Érudite, son esprit s'était formé dans la solitude, la lecture et la correspondance qu'elle entretenait avec un cercle d'amis dispersés dans le monde. Pour calmer son intense curiosité, elle s'abonnait à des revues éditées dans les 4 langues qu'elle connaissait aussi bien que sa langue maternelle. Le jour de l'arrivée de Mantolive, Faltus était seul à la maison. Il lut longuement la lettre d'introduction, puis releva la tête et considéra avec aménité le jeune Anglais. Vous allez rester avec nous. C'est la seule façon de vous perfectionner en arabe. 2 mois, si vous voulez. Mes fils savent l'anglais. Nessim, mon aîné, fait ses études à Oxford. Ils seront heureux de parler avec vous. Ma femme aussi. Je vous remercie. Monsieur, c'est un honneur. J'accepte avec joie. Leila, c'est toi? Chérie. David Mantolive, je suppose. Soyez le bienvenu. Et les garçons? Malus n'a toujours pas réapparu. Il revient demain. Il s'est enfermé dans la poussinière depuis 40 jours. Naros sera le fermier de la famille et Nessim le banquier. Faltus, est-ce que je peux emmener David voir Naros au travail? J'allais te le proposer. Mentally fut saisie d'entendre Leila dire son prénom. Elle lui prit le bras et ils traversèrent la roseraie. L'intérêt que manifestait le jeune homme pour tout ce qu'il voyait, l'Égypte, la langue arabe, la religion copte, faisait naître en elle une foule d'émotions et un sentiment de gratitude qui la déconcertait. Ils atteignirent la palmeraie, au fond de laquelle se trouvait un long bâtiment bas, en briques séchées. C'est ici. Ferme la porte. Vite, vite, je vous dis. Oh, pardon, maman. Je suis content que tu sois venue. David, je vous présente Narus, mon fils cadet. C'est un expert dans l'art de faire éclore les œufs à la chaleur artificielle. Dans ce souterrain obscur, plein de poussière et de toiles d'araignées, Mantoliv eut l'impression, en dépit de la jeunesse du personnage, de se trouver en présence d'un anachorète. Narus avait la peau jaune et le visage chiffonné par de longues veillées. Il était en outre affligé d'un bec de lièvre qui défigurait son sourire. Seuls ses yeux magnifiques semblaient rescapés du naufrage. Nous rentrons, on te laisse travailler. Je vous rejoins pour dîner. Votre fils est charmant. Nous sommes remplis de remords de ne pas avoir fait recoudre son bec de lièvre à temps. Les enfants du village l'appelaient le chameau. Il en a beaucoup souffert. Vous savez que le chameau a la lèvre fendue, n'est-ce pas? Ça a été dur pour Narus. Pour vous aussi, cela a dû être difficile. Oui, pour moi aussi. Pour Faltus surtout. Narus est très proche de son père, vous verrez. Le soir, dans l'austère salle à manger des Rosnani, Mantoliv fit la connaissance de Nessim. Il reconnut instantanément un homme de son espèce, un être pour qui la vie était un code. La famille Rosnani était bizarrement assortie. Nessim et sa mère se ressemblaient, même finesse, même sensibilité. Leur faisant face, de l'autre côté de la table éclairée aux chandelles, il y avait l'invalide sous ses couvertures et le cadet, trapu et laid, mais dont on devinait la nature douce et affable. Du peu que j'ai pu voir, il semble que les musulmans manifestent une certaine tolérance à l'égard des Coptes. Finalement, l'islam a toujours été bienveillant pour les chrétiens d'Orient. Tolérance, bienveillance. Voilà qui exprime exactement l'état d'esprit des Anglais. Les musulmans nous haïssent. Et c'est vous qui leur avez appris à se démarquer du Copte. Vous, les Anglais. Je suis désolé, je n'aurais pas... Allez, regardez Nessim. Brillant, instruit, il a tout pour faire un grand diplomate. Mais il sera homme d'affaires parce que nous, les Coptes, nous savons qu'il est inutile d'essayer. Vous avez ruiné notre pays. Et notre région, vous l'avez défigurée. Papa, ça suffit pour aujourd'hui. David apprendra tout cela, de toute façon. Mon cher David, j'espère que la sortie de mon père ne vous aura pas trop blessé. Ces choses le tourmentent beaucoup. Ne vous tracassez pas, Mantoliv. Un jour, nous retrouverons le chemin du sommet, avec ou sans votre aide. Nous sommes tenaces. Le vent s'est levé. Leila, fais sceller les chevaux et emmène notre invité dans le désert. Une nuit comme celle-ci est d'une beauté incomparable. Par la suite, Leila et Mantoliv partirent souvent à cheval dans le désert, sur la suggestion de Faltus. Et là, une nuit de pleine lune, étendue côte à côte sur la pente d'une dune doucement balayée par le vent... Attendez, vous avez une miette sur la lèvre. Et, se penchant sur lui... Elle l'accueillit doucement avec le bout de sa langue. Mantoliv sentit alors le sang quitter son visage, et il fut pris d'une grande faiblesse. Mais Leila était là, si proche, si innocemment proche, souriant et plissant le nez, qu'il ne put que la prendre dans ses bras. Ils devinrent amants, si simplement, et apparemment avec une telle absence de préméditation, que pendant un moment, il comprit à peine ce qui venait de lui arriver. Pourquoi moi, Leïla ? Pourquoi toi ? Parce que tu es anglais, je suppose. Pour Shakespeare et pour Keats. Parce que je suis anglais ou bien parce que je suis jeune et bien pourtant ? Tu fais allusion à Faltus, c'est ça ? Écoute-moi bien, David. Je ne permettrai pas qu'on lui manque de respect. Il est noble et généreux. Mais... Je l'aime et je ne ferai jamais rien qui puisse le blesser. Mais comment peux-tu alors ? Que tu es bête, Mantelive, que tu es bête. C'est lui qui m'a dit de te prendre pour amant. C'est pour cela qu'il t'a proposé de rester. Et c'est pour cela que tu as choisi d'aimer la littérature anglaise à travers moi, plutôt que moi. Merde alors. Mon petit, tu ne sais donc pas combien l'amour est dangereux ? Non, il ne savait pas. 10 jours plus tard, qui parurent un siècle à Mount Olive. C'était le crépuscule, mais il faisait encore chaud. Dans les dernières lueurs mauves du couchant, la terre était devenue opaque, comme une tapisserie. Mon chéri, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais plus où j'en suis. Tu m'as retourné comme une vieille malle. J'ai plus rien, plus de passé, rien. Mais j'ai une rage, là. Parce que je ne comprends pas. Et puis... Parce que tu me fais vivre une chose pour laquelle je serais presque prêt à mourir. Presque ? Mantolive savait confusément qu'il avait trouvé en Leïla plus qu'une amante. Il découvrait l'Égypte à travers elle. Elle devenait l'aune à laquelle se mesuraient ses pensées et ses désirs. Un soir, Mantolive revenait d'Alexandrie et traversait le lac avec Narus, qui faisait avancer la petite barque à coups de perche. Il entendait son souffle rauque, puissant, régulier. C'était l'heure de la pêche sur le lac Mariotis. Un cercle de bateaux s'était resserré autour des filets et, dans le chaud crépuscule, on alluma bientôt les lampes à carbure fixées au proue. L'eau était épaisse comme une pâte agitée de soubresauts et le corps argenté des poissons bondissait dans la nuit. Le grand demi-cercle de lumière se refermait au rythme d'un battement de tambour, étouffé et mélancolique. Narus, c'est magnifique. Voilà Nessim. Il y a Nessim! Narus! Ma mère est là, elle aussi. Leïla se tenait au bord de la jetée, silhouette légèrement plus sombre que la nuit. Le cœur de Mantolive se mit à trembler quand il se leva et, avec son aide, prit pied sur la jetée. Ils se mirent en selle. Les deux frères partirent en avant. Leïla amena son cheval tout contre celui de son amant pour que leurs genoux se touchent. Mais tu trembles, David. Tout va bien ? J'ai reçu ma nomination. Pour ? Prague. Quand ? Tout de suite. Tu nous oublieras ? Mais non, les Anglais sont toujours fidèles aux vieux amis, n'est-ce pas ? Embrasse-moi. Leïla, je t'en supplie, arrête. Je suis désespéré. N'aie pas peur, mon David. J'ai mis nos relations au point pour les années à venir. Ce sera peut-être encore mieux quand nous aurons cessé de faire l'amour. Que nous penserons l'un à l'autre comme des amants qui auront été obligés de se séparer et qui peut-être n'auraient jamais dû devenir amants. Tais-toi, Leïla. On dirait que tu prends plaisir à me torturer. Fais-moi confiance. Je sais ces choses. Je t'écrirai tout le temps. Nous allons vivre une nouvelle et grande aventure. Faltus, mon chéri. Bonne journée. Sais-tu ce que m'annonce David? Il nous quitte. Il est nommé à Prague, l'heureux jeune homme. Vous allez manquer à notre maisonnée, mon cher. Vous avez été un hôte parfait. Et un ami délicieux. Quand partez-vous, David? Dès demain, hélas. Pour Alexandrie. Une semaine plus tard, pour l'Europe. La rude vie des diplomates. Tu ne dis rien, Narus? Narus n'ouvrit pas la bouche de tout le dîner. Il souriait parfois en regardant Mantoliv, d'un sourire torve qui accentuait sa laideur. Et le jeune Anglais ne parvenait pas à comprendre pourquoi le plaisir que Narus avait semblé prendre à sa compagnie s'était insensiblement assombri. Il ne pouvait évidemment pas savoir que ce qui tourmentait et mettait en rage le cadet des Rosnani était une scène à laquelle il avait assisté quelques semaines plus tôt, quand tout le monde dormait. Narus, pousse mon fauteuil sur le balcon. Je vais lire tard ce soir. Voilà, papa. Je m'installe à côté comme d'habitude. Appelle-moi pour que je t'aide à te coucher. Narus s'endormit. Les roues caoutchoutées du fauteuil de son père sur le parquet de la chambre le réveillèrent. La porte était entrouverte. Narus glissa un œil par la fente. La chambre était baignée de lune. Il vit le fauteuil de son père heurter la commode et ses doigts malhabiles ouvrir le tiroir et en retirer un vieux colt. Narus fit un pas et s'arrêta devant la porte, les mâchoires contractées pour que ses dents ne s'entrechoquent pas. Le reflet de la lune tombait droit sur le miroir. Hypnotisé, Narus put voir son père, assis très droit dans son fauteuil, face à son image, soulever lentement le revolver et le braquer, non sur sa tempe, mais vers le miroir. Si elle tombe amoureuse, tu sais ce qu'il te reste à faire. Papa! Narus! Animal paresseux, tu dors quand je t'appelle? Pardon, papa. Pardon. Je suis une brute paresseuse, un porc sans cervelle, un grain de sel. Mets-moi au lit maintenant. Le matin du départ, Nessim et Leila accompagnèrent Mantoliv jusqu'au bac. Narus, prétextant des travaux de ferme, était parti dès l'aube dans le désert. Tu n'es pas venu hier soir dans ma chambre? Tu me l'avais promis. Tu allais très tiré. Ça a l'air de te faire plaisir. Tu commences à connaître les femmes, mon petit Anglais. Je suis effectivement contente. Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel, traduit par Roger Giroux, adapté par Eglal Herrera. Premier épisode avec Christophe Giordano d'Arlet, Anne Alvaro Leila, Didier Sandre Nessim, David Gesselson Mount Olive, Bernard Ballet Faltus, Mohamed Rouabi, Narus, et Sabrina Baldassara, la narratrice. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Claire Levasseur, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.